franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Portal, qui se déroula entre 1972 et 1975 et qui fit la une des journaux en France pendant plusieurs semaines. À l'époque, on l'a décrite comme une histoire digne de Balzac ou Maupassant, celle d'un baron descendant d'une famille illustre, dépossédé, déclassé, puis tombé dans la misère. Le dossier Portal, c'est l'histoire d'un vieil homme qui affronte une justice maladroite et complexe pendant 20 ans sur les plaines du domaine dont il a hérité, la Fumade. Une histoire locale, faite de rumeurs et de jalousies d'hommes de confiance malhonnêtes et d'avocats appelés puis remerciés. Une histoire d'enfants également, ballottés par les malheurs des grands, jouant dans les ruines d'un monde qui s'éteint. Une histoire médiatique enfin, avec la télé qui organise le fait divers comme une sitcom, le raconte, sans filtre, entre à l'intérieur des maisons, attend devant les prisons, accompagne les familles, puis oublie aussi vite ses gens qu'elle a rendu célèbre le temps d'un drame. Après le récit, nous recevrons Emmanuel Dain, auteur du livre « L'étrange affaire Portal ». 40 ans après les faits, il a repris le chemin de la Fumade, rencontré la fille de la famille et les témoins de ce drame qui a emporté la vie d'un jeune homme de 20 ans. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Elisa Masse et Lucille Valérie. Programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation Fabrice L'Aigle. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Saint-Nefary, Tarn-et-Garonne. À quelques kilomètres de Montauban se situe un domaine appelé la Fumade. En haut de ces terres trône une bâtisse de pierre et de briques érigée 4 siècles plus tôt. Perdu au milieu de 157 hectares de terrain, ce château est le dernier vestige d'une aristocratie protestante oubliée de la région, les Portales. Au lendemain de la Révolution, cette famille a trouvé une place au sein de l'administration de l'Empire, puis dans les cours des derniers rois. Quand le temps de la République est arrivé, les Portales n'ont pu sauver que le château de la Fumade où s'amassaient les dernières reliques des heures glorieuses de la fratrie. En 1892, sans héritier, Louis Portal, propriétaire des lieux, rédige un testament où il fait de ses neveux Léonce et François ses légataires. François meurt pendant la Grande Guerre. Alors, l'aïeul décide de vendre la Fumade en viager à Léonce pour lui éviter les frais de succession. En 1931, l'oncle décède. Léonce s'installe à la Fumade. Propriétaire de ce splendide château décoré des plus beaux meubles et des plus beaux tableaux, il devient pour les gens du coin le nouveau baron Portal. Il emploie des domestiques et 4 familles de métayers qui rendent prospères les terres du domaine. C'est la vie heureuse, jusqu'au jour où il perd sa femme, Elina, avec qui il n'a jamais eu d'enfant. C'est là que sa vie bascule dans un roman noir. Il faut dire que le domaine de la Fumade devient source de toutes les convoitises. Mariée sous le régime de la communauté réduite aux aquets, la sœur d'Elina demande sa part du château à Léonce. Mais Léonce ne retrouve ni le testament d'Elina en sa faveur, ni celui de son aïeul de 1892 qui le protège d'une telle demande. Alors Elina vend ses droits sur le domaine à une famille de marchands de biens, les frères Escarmant. Pour mettre fin à la discorde, le notaire de Léonce signe une reconnaissance de dette au profit de cette famille ainsi qu'une attestation qui les reconnaît comme co-héritiers de la Fumade et copropriétaires en indivision. L'héritage est coupé en deux et la moitié du fruit des récoltes revient désormais à cette famille de marchands. Eh oui, héritier est un destin qu'il faut savoir protéger en gardant l'œil sur chaque papier et cela, Léonce ne l'avait pas anticipé. Âgé de 66 ans, veuf, sans enfant, un héritage coupé en deux, Léonce se remarie avec Anna, une jeune femme de 25 ans. De cet amour de circonstance, 2 enfants naissent. Marie-Agnès en 1951, puis Jean-Louis l'année suivante. Isolés de tout, Marie-Agnès et Jean-Louis grandissent dans les ruines d'un ancien monde, il y a bien longtemps. Au coin de la cheminée, les histoires qu'on racontait étaient glorieuses, épiques. Mais pour ces 2 enfants, c'est la litanie des procédures et des épreuves qui s'abattent sur leurs parents qu'ils entendent le soir. En 1962, alors que les Français s'enrichissent, qu'ils s'inventent une nouvelle vie et découvrent la société des loisirs et de la consommation, à la Fumade, les métayers des domaines s'en vont et laissent les terres à l'abandon. La misère, peu à peu, pointe son nez. Chaque mois, un meuble quitte la maison pour être vendu et renflouer les caisses. Au bout d'un moment, la famille Portal délaisse la grande maison pour vivre côté ferme, dans le second corps de la bâtisse, anciennement réservée aux domestiques. Isolé, endetté, déchu, monsieur le baron est devenu un paysan sans récolte et sans argent. On se croirait chez Maupassant. En 1967, après 18 ans de procédure, le testament de 1892 est retrouvé et la justice reconnaît Léonce Portal comme l'unique propriétaire de la fumade. Accalmie qui permet au vieux baron d'entrevoir la reprise de l'exploitation de ses terres. Il emprunte, lance des travaux, mais n'a pas assez de fonds pour payer ses prestataires. Des dettes, selon la justice, Léon Portal en a une trentaine qu'il réfute en bonne partie. Les juges le condamnent à payer, mais comme il n'a plus un sou, la justice met en vente aux enchères son seul bien, le domaine de la fumade. Le 8 juin 1972, la propriété est vendue pour une somme dérisoire à Louis Rivière. Un mois plus tard, l'avis d'expulsion est prononcé. Léonce, Anna et leurs deux enfants refusent et décident de se cloîtrer à l'intérieur du château et de ne plus en sortir. 8 mois plus tard, la situation s'envenime. Édition 13h. Il y a plus de 24 heures maintenant que Jean-Louis et Agnès Portal sont retranchés dans leur grande maison de Saint-Nauphary, près de Montauban. Ils refusent d'exécuter la décision du juge, décision en vertu de laquelle la maison a été vendue. Le frère et la sœur disposent d'une carabine 22 longs rifles et de 2 fusils de chasse et annoncent qu'ils sont prêts à tirer sur ceux qui approchent. Les gendarmes ont ce matin quitté les alentours de la maison. La veille, le 23 février 1973, les gendarmes sont venus chercher le fils Portal, Jean-Louis, qui est convoqué au tribunal. Il tape à la porte, le demande, mais personne ne répond. Il tombe alors sur Marie-Agnès, qui leur indique que son frère est souffrant et qu'il ne pourra pas les accompagner. Ah bon ? Eh bien, qu'à cela ne tienne, c'est la mère que les gendarmes interpellent. Il se trouve qu'en novembre 72, elle a été condamnée à 4 mois de prison ferme pour injures et menaces de mort envers le nouveau propriétaire. Et puis, les gendarmes savent le père mourant, alors ils se disent que, sans leur mère, Jean-Louis et Marie-Agnès se rendront sans faire d'histoire. Logique, oui, sauf qu'en fin de journée, à 2 reprises, Jean-Louis sort, arme à la main, et tire en direction des gendarmes. Et là, l'histoire change de nature. Le huis clos commence. Une première nuit passe, puis une seconde, les autorités jouent l'apaisement. À l'intérieur de la fumade, Marie-Agnès et Jean-Louis sont seuls. Retranchés dans quelques pièces, ils scrutent à travers leurs volets les allers-retours des gendarmes et attendent l'arrivée du médecin ou de la voisine dont on a autorisé les venues quotidiennes. Ils ont 20 et 21 ans et toute leur histoire se limite à cette maison et les malheurs qui se sont abattus sur elle. Elle a été leur terrain de jeu, elle est devenue leur fort, leur dernière protection. Le 27 mars 1973, c'est eux qui accompagnent leur père dans ses derniers instants. Il avait 89 ans. Leur mère est alors libérée pour prendre en charge les funérailles du défunt. On livre un cercueil, on creuse un trou dans le cimetière familial qui jouxte la maison, mais Anna, Marie-Agnès et Jean-Louis refusent d'inhumer le défunt tant que justice ne leur est pas rendue. Résultat, le cercueil restera auprès d'eux dans un salon installé sur 2 chaises. L'histoire tombe alors dans le croustillant. Donc, peu à peu, des journalistes viennent rencontrer cette famille, en particulier ceux de la chaîne régionale FR3. C'est ainsi qu'on découvre les visages et les mots des Portal, dont ceux du fils, Jean-Louis. Accoudé à la fenêtre, il répond aux questions. C'est un véritable scandale. De nombreux notaires, avoués, avocats ont fait des malversations. Et alors, ils continuent, parce qu'ils n'ont jamais été punis, ils ont été inculpés, d'autres plus prudents ont démissionné. Alors, ils se vengent, c'est tout. Jean-Louis, une autre question. Pensez-vous que le fait de se barricader soit la meilleure solution? Eh bien, je n'avais pas d'autre solution, parce que ou ils me mettaient la main dessus et ils me mettaient en prison, ou alors me barricader, c'était pour moi la seule, l'unique solution d'être à l'abri. Je pense que je n'avais pas d'autre solution, hein. Aucune autre, finalement. Ce soir-là, les téléspectateurs de FR3 découvrent un petit homme, les cheveux en bataille, aux traits juvéniles. Son père étant mort, il est le dernier homme de la lignée, le dernier à pouvoir prendre les armes et à défendre ses terres. Au micro, sa voix ne fait apparaître aucun stress, aucune angoisse. Jean-Louis est sûr de lui, sûr de son bon droit. Est-il inconscient, naïf ou simplement perdu dans l'histoire de sa famille? À côté de lui, il y a sa sœur, Marie-Agnès. Elle aussi porte encore les traces de l'adolescence qu'elle vient de quitter. Sur les images de télé, on a l'impression de voir une enfant des campagnes, souvent avec un bouquet de fleurs dans la main ou un chat sur l'épaule. Le troisième personnage de la famille, c'est Anna, leur mère. Jean-Louis la décrit ainsi. Personne ne peut lui faire changer d'idée. Quand elle a une idée, il n'y a rien à faire. Personne, ouais. C'est comme une locomotive sur le rail. Il faut la faire dérailler. Ouais. Non, quand elle a une idée, et puis surtout elle a un bon sens quand même. C'est une forte personnalité. Je crois que comme députée, elle serait pas mal. Hein. Enfin, dans la région, Madame Portal n'a jamais eu bonne presse. D'origine polonaise, elle est une double étrangère, par son accent d'abord, puis par son histoire. Elle ne connaît rien aux terres du Tarn, à la mécanique des moissons, à la mémoire des sols. Sorte de Madame de Pompadour, elle n'est pour beaucoup que l'ancienne servante, devenue maîtresse des lieux après le décès de la première épouse de Monsieur. Une légende? Allez savoir. Toujours est-il que c'est ainsi qu'on relate le début de la relation entre Anna et Léonce. Au sein de la famille, on parle plutôt d'une rencontre dans une maison thermale. S'agit-il d'un mariage d'amour ou de circonstances? La vérité est qu'elle était seule et que Léonce était sans héritier, alors ils se sont mariés et deux enfants sont nés. Voilà. Les journalistes qui ont rencontré Anna en parlent comme d'une femme au caractère bien trempé, solide et un peu extravagante. Portal est désormais son nom. Elle porte le poids de son passé et espère lui dessiner un avenir. Les mois passent, le huis clos se poursuit, la justice hésite. En avril 1973, l'arrêté d'expulsion est confirmé en appel. Les gendarmes et les huissiers reviennent alors à la charge, puis renoncent. Encore une fois, le dispositif policier reste à distance et évolue selon les tensions autour de la fumade. Dans cette situation, les mois de semences et de moissons sont les plus compliqués, car les ouvriers agricoles travaillent sur les parcelles qui jouxtent la maison. Le temps semble figé du côté des autorités, comme dans la fumade. Aux journalistes qui lui rendent visite, la famille raconte les mêmes histoires, utilise les mêmes mots, du testament égaré au notaire malhonnête, des papiers détruits, aux faux en écriture. Il ne lâche rien, réfute tout, accuse à tout va, et se remémore sans cesse les tromperies et les condamnations. Difficile de savoir si cette vie en huis clos leur pèse. D'ailleurs, ont-ils déjà vécu autrement? Quand on se plonge dans les archives audiovisuelles de ces drames, considérés maladroitement comme faits divers, en principe, la presse se fait l'écho des réactions de témoins, amis ou voisins des inculpés ou des victimes. Mais ici, à la fumade, rien, non. Anna, Marie-Agnès et Jean-Louis sont les seuls à incarner le récit médiatique de cette affaire. Tout se limite à ces trois personnages et aux papiers qu'ils conservent. Un huis clos plombe peu à peu la ville, la préfecture et bientôt le ministère. Dès l'été 1974, un plan d'évacuation est imaginé avec plusieurs possibilités d'intervention au cas où la situation s'envenimerait. À l'intérieur de la fumade, Marie-Agnès et Anna pensent encore à une fin heureuse. On tient quand même les bambous, jusqu'à maintenant on a bon espoir, moi j'ai bon espoir. Surtout que c'est public, alors quand même on n'est pas des assassins ni des criminels pour qu'ils finissent de nous achever. Moi, je la vois de côté de bon sens. D'abord, que la lumière soit faite sur tous ces drames de famille, surtout des drames d'intérêt de la terre, en quelque sorte, et que la justice nous soit rendue. Quant à Jean-Louis, il redoute le pire. Même si on doit laisser la vie, mais on partira pas, ça. Il faut pas compter qu'on parte de chez nous, on y laissera la peau, mais on part pas. Ça, il n'y a rien à faire, hein. On peut se mettre dans la tête, on brûlera la maison, on passera en cour d'assises, même si je dois faire 15 ans, 25 ans de réclusion criminelle, mais je partirai pas. Si je suis pas tué au cours des combats, eh bien je passerai en cour d'assises, mais je renonce pas. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 1975, une explosion se fait entendre, des coups retentissent, l'assaut est donné. Après quelques minutes, Madame Portal et sa fille sont arrêtées, puis emmenées par les gendarmes. Jean-Louis est transporté sous une civière, l'abdomen en sang. Il meurt quelques heures plus tard. Après 21 mois marqués par des rebondissements divers, l'histoire de la fumade se termine dans le sang. Mais quelles sont les raisons de cet assaut reporté pendant presque 2 ans? Pourquoi être intervenu en pleine nuit? Comment Jean-Louis est-il mort? Avait-il les armes à la main? Et puis, que vont devenir Anna et Marie-Agnès? Give me some time and patience on and on. I'm trying to find a place that feels like home. Those endless tides of panic on my soul. Someday we'll die and leave us all alone. Yeah. Spend those nights all alone. You know I'm waiting for girls to show. They tell me stay on the road. They tell me stay. Janvier 1975. Au petit matin de ce jour d'hiver, pour la première fois depuis des siècles, la fumade est déserte. Des chiens, des chats et des vaches, ultimes locataires, attendent qu'on vienne les chercher. Les 44 portes et volets sont désormais sous-scellés. Derrière ces entrées closes se cachent les derniers mystères des lieux, le sang de Jean-Louis à l'étage, puis des dizaines de cartons de papier rassemblés, classés, héritage d'une vingtaine d'années de procédures judiciaires. Dès l'annonce de l'assaut et de la mort de Jean-Louis, la presse nationale vient sur place. Elle rencontre des gens du village, suit les conférences de presse des autorités et tente de se frayer un chemin dans les méandres de l'affaire. Pourquoi l'assaut a-t-il été donné? C'est ça la grande question. La gendarmerie parle d'une altercation violente au cours de l'après-midi entre Jean-Louis et des ouvriers agricoles. Le jeune homme aurait tiré à plusieurs reprises. Quelques mois après le drame, au micro de Georges Arnaud, l'un des ouvriers se souvient justement de ses tirs. Eh bien, on était en train de travailler le champ attenant au château de la Fumade. On ne se doutait de rien. J'étais en contrebas de mon collègue quand mon collègue a été attaqué. Il l'a tiré de très près, vraiment. Et c'est-à-dire que le premier coup de feu, nous n'avons pas vu au juste où se situait Jean-Louis. Mais au second coup de feu tiré de par derrière, Jean-Louis était juste derrière le tracteur de mon camarade. C'est cette balle-là qui a traversé les pare-brises ? C'est à ce moment-là, Jean-Louis ne tirait pas à balle, il tirait à chevrotine. Et c'est ces trois chevrotines qui ont touché l'aile du tracteur et qui sont passées par la petite vitre avant. Témoin de la scène, je ne savais pas comment agir. Le mieux que j'ai trouvé à faire, ça a été de remonter la pente, prendre Jean-Louis de revers et lui foncer directement dessus pour débarrasser mon camarade. À la suite de cette altercation, une réunion de crise aurait eu lieu à Montauban, au sein de la préfecture. Pour les autorités, l'assaut était la seule solution pour clore cette histoire sans fin. Alors, revenons sur les faits. En début de soirée, 70 gendarmes d'élite de Montauban arrivent sur place, ainsi qu'une ambulance avec un médecin et deux infirmiers. L'opération débute en pleine nuit. La suite, c'est le commandant de gendarmerie qui la raconte au micro des journalistes. L'assaut s'est produit dans la nuit, alors que depuis 16h jusque vers 1h du matin, nous avons demandé à Madame Portal, à Jean-Louis Portal et à sa sœur, de venir s'expliquer avec nous. Au lieu d'accepter ce dialogue, ils ont, comme ils l'ont fait fréquemment dans le passé, insulté, menacé et manipulé leurs armes. Jean-Louis Portal était dangereux, vous nous l'avez dit, mais n'y avait-il pas possibilité d'utiliser peut-être des grenades lacrymogènes au lieu de cette effusion de sang ? Nous avons envisagé tous les moyens possibles. Seulement, les grenades lacrymogènes, à mon avis, auraient été absolument inopérantes. Bref, si c'était à refaire, vous le referiez exactement de la même façon? Je l'aurais exactement dans les mêmes conditions. Dans cette affaire, la gendarmerie n'a pas tiré la première. La gendarmerie a subi le feu des portales à plusieurs occasions. La nuit dernière, vraiment, là, le tir de Jean-Louis Portal était destiné à tuer sans aucun doute possible. Vraiment, à tuer sans aucun doute possible. Et le gendarme qui était visé, celui que Jean-Louis Portal voulait tuer, s'est contenté d'esquiver. Donc, Jean-Louis aurait tiré le premier. Marie-Agnès et Anna, sans armes, sont les seuls rescapés. Encore en robe de chambre, elles quittent la fumale à bord d'un fourgon de police. Le lendemain, elles sont présentées au juge qui décide de les placer en détention. Anna pour finir une peine de prison non achevée, Marie-Agnès pour complicité de meurtre. Après cette comparution, elles sont présentées à trois experts qui les déclarent démentes et dangereuses. C'est ainsi que les deux femmes sont envoyées au service psychiatrique de l'hôpital de Montauban, puis vers l'établissement de la Grave à Toulouse. Voilà. L'histoire de la fumade aurait pu se terminer ainsi. Les femmes portales, seules témoins de l'assaut, enfermées à jamais derrière les murs d'un asile, et le dossier était bouclé. À cette époque, pour certains juges, la folie a l'avantage d'ouvrir un chemin de traverse aux impasses judiciaires. La parole d'un fou n'est rien, elle n'a ni histoire, ni futur. On refuse d'écouter ses mots, d'en comprendre la raison, rideau. Mais un événement inattendu va relancer l'affaire. Dans sa chambre, Marie-Agnès est seule. Comme décor sonore, elle entend les enfants qui jouent dans une cour, puis parfois des pas. Au bout d'un moment, sur la pointe des pieds, elle arrive à atteindre un soupirail. Alors, elle voit une école, puis un trottoir, sa seule fenêtre sur la vie, la vraie. Elle commence à écrire des petits mots, les jette, puis demande aux passants de les transmettre à qui de droit. Quelques jours plus tard, un journaliste de FR3 est prévenu du petit manège. Il va donc sur place et espère pouvoir parler à Marie-Agnès. Le 13 février, son visage apparaît à travers le soupirail. Devant caméra et micro, elle raconte sa vérité. Bon alors j'ai à vous dire que ce qui s'est passé, c'est affreux, on a été attaqué à 1h du matin et mon frère on l'a abattu devant mes yeux et on nous a enfermés exprès pour pas qu'on parle parce qu'ils ont fait un crime, ils n'avaient pas à nous attaquer, je dément, mon frère n'a tiré sur personne, la journée était très calme et c'est faux ce qu'on nous accuse, on nous a enfermés, à Montauban on nous a très maltraités, on nous a voulu faire passer pour des fous parce que ce qu'ils ont fait, les autorités, ils n'avaient pas le droit de le faire parce qu'on était sages quand même, c'est pas vrai, puisqu'on nous a accusés. Et je dément catégoriquement et on nous enferme pour pas qu'on parle. Ils veulent essayer de nous faire passer pour des fous parce que ils nous accusent de choses qu'on débande. D'ailleurs, si c'était vrai, on serait en liberté. D'abord, là, on n'est pas malade du tout. On nous a enfermés pour qu'on la ferme parce qu'ils ont fait des choses graves. Et je tiens à protester. C'est tout ça, les notaires, et tout ça pour nous voler. Pour nous voler, c'est honteux. Je suis meurtrie de corps et d'âme, meurtrie de corps et d'âme. J'ai besoin plutôt de repos et là, je suis enfermée, séparée de maman et tout. C'est honteux, c'est odieux. Je me demande comment le gouvernement tolère des choses pareilles. L'entretien est diffusé le jour même, puis il est repris par l'ensemble des médias du pays. Cette jeune fille est-elle vraiment folle? Dit-elle vrai sur l'assaut? En quelques jours, l'affaire Portal fait la une. De l'Aurore à Sud-Ouest, du Monde à France Inter, pour les journalistes et éditorialistes, il faut désormais choisir son camp. Les contres mettent en avant les erreurs de la famille, endettée, entêtée, procédurière et enragée. Les pour pointent du doigt l'engrenage judiciaire et ses erreurs, mettent en parallèle la folie de l'assaut à la folie déclarée des deux femmes. Mais la vraie question demeure, coupable ou non, devait-on donner cet assaut? Le 19 février, un nouveau rapport d'experts de Toulouse conclut à l'irresponsabilité pénale et annule donc toute possibilité de procès public. Les avocats des deux femmes réfutent une nouvelle fois ce constat et demandent une contre-expertise. Après les éditorialistes et les écrivains, ce sont les politiques qui entrent dans la danse. Maurice Matras, ancien chef de cabinet de Charles de Lipovski, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, prend la tête du comité de soutien des deux femmes qu'il rencontre pour la première fois le 20 février. Le même jour, François Mitterrand, premier secrétaire du Parti Socialiste et candidat malheureux à la dernière présidentielle, s'interroge lui aussi sur les raisons de ce drame. Il ne s'agit pas de prendre parti sur le fond d'un débat qui concerne des intérêts dont je n'ai pas connaissance directe et sur lesquels je n'ai pas à me prononcer. Mais voilà, ce jeune homme a été abattu. Dans quelles conditions? Ce jeune homme est mort. Voilà une famille déjà bien punie si elle méritait de l'être, et je ne le dis pas. Voilà une sanction bien terrible pour une affaire d'intérêt. Alors cela pose des problèmes de fond. En particulier, retenez bien celle-ci. Est-ce que la société ne doit pas défendre le droit de ceux qui ne connaissent pas le droit? Et c'est le rôle des avocats des deux femmes qui viennent à Paris et demandent à voir la garde des Sceaux pour lui demander sa clémence. Convaincu et inquiété par la montée de la controverse dans l'opinion, Jean Le Canuet, garde des Sceaux à l'époque, annonce la libération des deux femmes, l'ouverture d'une instruction sur les circonstances de la mort de Jean-Louis et la création d'une commission spéciale pour démêler 30 ans de procédure à l'encontre des Portals. Le lendemain, le 22 février 1975, la lourde porte métallique de la clinique s'ouvre, les flashs et les caméras les accueillent, Marie-Agnès et Anna sont libres. Que tout le monde nous aide parce que c'est affreux, mon frère a été assassiné sous mes yeux. On n'est pas enfermé exprès pour pas parler. Maintenant, on veut essayer de nous interner pour pas parler, mais je suis sûre que la lumière sera faite. Est-ce qu'on vous savez... fait prendre des médicaments? Non, justement, on a été pas malade, on n'a eu aucune dépression nerveuse. Ça, je tiens à le dire parce que tous les journaux ont mis qu'on avait des dépressions. Mais c'est faux, on n'a eu aucune dépression nerveuse. Oui, j'ai écrit, mais les lettres ne partaient pas. Agnès, que vas-tu faire maintenant? Je vais surtout me reposer, me remonter de ce grand choc, je n'ai eu aucun réconfort moral. Bonne chance, Agnès, à bientôt. À bientôt. Après la libération des deux femmes, c'est dans la presse et à la télé qu'on tente d'éclaircir le dossier Portal. Antenne 2 invite Anna et Marie-Agnès, ainsi que leurs avocats. Mais l'émission est longue et complexe. Plus les minutes passent, plus on se perd dans une sorte de labyrinthe fait de procédures et de plaintes, de reconnaissances de dettes, vraies ou fausses, de testaments oubliés, puis retrouvés, bref, on décroche. Une trame sinueuse, dont seuls, en fait, Anna et Marie-Agnès pensent connaître les tenants et les aboutissants. Madame Portal, la mère, crève l'écran. Les téléspectateurs découvrent une femme baroque et arrogante qui contredit, coupe, rejette les affirmations de son avocat et des journalistes sur chaque point abordé. Elle refuse de laisser la parole et farfouille dans la pile de documents en face d'elle pour tirer tel ou tel document en sa faveur. La scène vaut le détour, comme lors de cet échange avec son avocat. D'une manière extrêmement notable, l'existence d'un litige en 1949 concernant la suite d'un acte de cession de droit à l'agent immobilier Escarmont et au profit de Madame Ité. Il s'agissait. Maître, connaissant que vous avez votre maman, la sœur de votre maman Marie, avec un notaire, ça ne me surprend pas du tout. Qu'est-ce que vous dites là? Vous défendez les notaires. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit que un bien inaliénable, on doit le respecter. Personne ne peut aller contre la loi et justement que les droits ont été payés pour que la loi soit respectée. Alors je ne vois pas du tout pourquoi. Nous ne sommes pas d'accord du tout. Tout au long de l'émission, Jean-Louis n'est pas cité. Bon, non pas que Madame Portal ne soit pas peinée, mais elle est seulement guidée par l'obsession de faire valoir son bon droit sur le domaine de la fumade. L'image à la télé est souvent trompeuse, déforme la réalité, accentue les peines et les joies, mais aussi les travers de chacun. On espérait voir une mère apeurée, une veuve spoliée. On découvre une femme brute et obtuse. Ses sautes d'humeur, sa voix forte, ne sont-elles pas que le reflet d'une histoire sans fin où elle s'est perdue, elle et ses enfants, depuis tant d'années? C'est ce que pense Bertrand de Jouvenel, présent sur le plateau, qui écrit plusieurs tribunes en faveur des portales. Et au fond, le climat que nous fait vivre Madame Portal explique tant de choses. À voir que ses enfants, Marie-Agnès et Jean-Louis, aient grandi dans une atmosphère procédurière, dans une continuelle querelle, dispute, tantôt un papier favorable, tantôt un papier défavorable, tantôt un homme de justice auquel on fait toute confiance, tantôt on lui retire cette confiance à tort ou à raison, je n'en sais rien. Alors, par conséquent, on vit dans l'espoir, dans l'angoisse, et on est tout le temps occupé de cette procédure. Et alors, il me semble tout naturel. Moi, je vois ces deux enfants dans cette campagne. Je vois ces deux enfants qui s'évadent dans le rêve, dans un rêve héroïque. Asphyxié par le poids de la justice jusqu'à y perdre la raison, enfin presque, les portales n'ont eu pour seul échappatoire que de retrouver les temps heureux dont cette maison fut le décor. En août 75, 7 mois après la promesse des gardes des Sceaux, le journal L'Aurore publie le rapport d'enquête sur l'affaire. Sur le plan juridique, la commission confirme la vente de la Fumade, mais laisse aux deux femmes une maison à Montauban qui faisait partie de l'héritage de l'aïeul Portal. Anna et Marie-Agnès ne verront plus jamais la Fumade. C'est désormais devant la préfecture du Tarn-et-Garonne qu'elles vivent et c'est dans ces murs que la télévision leur rend visite. Devant les caméras de TF1, Marie-Agnès montre sa nouvelle demeure, une petite maison avec un jardin situé en ville, loin de ses terres, loin de ses souvenirs d'enfant. Et comme dans sa première interview télévisée, c'est à travers une fenêtre qu'elle dit au revoir aux Français et à la télé qui, le temps d'un hiver, en fit un personnage de fait divers. Alors, ce qu'il faut dire, Marie-Agnès, c'est que quand on ouvre la fenêtre, on se trouve juste en face du jardin de la préfecture. Oui, justement, on donne en plein le jardin de la préfecture et la préfecture aussi. Alors, vous voyez le préfet se promener dans le jardin? Non, on ne le voit pas, le préfet. On l'aperçoit à peine des fois. Enfin, son épouse, quand elle s'en va pour faire les courses en ville, on l'aperçoit. Mais sinon, à part ça, il ne se promène plus dans le jardin, ni ses enfants non plus. Ils avaient établi les tables, tout ça. Mais quand ils ont bien repéré qu'on était là en face, ben, on ne les a plus revus. C'est un peu l'ironie du sort, ça. Oui. Pareil que le préfet, il avait tout prévu sur notre compte, mais il n'aurait jamais imaginé qu'on viendrait se percher presque devant ses fenêtres. 40 ans après, Marie-Agnès vit toujours dans cette maison, à Montauban. Elle est la dernière héritière de l'histoire des portales, des moments heureux comme des moments malheureux, dont le plus grave se déroula dans la nuit du 10 au 11 janvier 1975, quand son frère est mort à ses côtés. Au nom de quoi? À cause de qui? J'en suis à mon septembre, elle en est à son mai, et je l'aime. Mon charbon m'interdit sa luminosité, et je l'aime. Elle est belle à pâlir, et moi, vous me voyez, et je l'aime. Ses yeux sont un matin, la nuit m'a dévoyé, et je l'aime, et je l'aime. Et ma cendre à l'envers reconstitue la flamme, et je l'aime. Et mon cœur vieux tocard, le voilà qui rame d'âme, et je l'aime. Et j'entends une voix me crier, c'est ta femme, ta femme. L'humain je le crachais, elle est la fleur humaine, et je l'aime. Je savais me haïr, elle exténue la haine, et je l'aime. Je pelotais la mort, son ventre tend la vie, et je l'aime. Je m'armais de mes larmes, désarmée, elle rit, et je l'aime, et je l'aime. Et je cours dans les rues, bondissant hors des drames, et je l'aime. Une bise inconnue me peuple d'oriflamme, et je l'aime. Et j'entends cette voix affamée, c'est ta femme, ta femme. Rendez-vous à 8 heures, elle arrive à 8 heures, toc, toc, toc. En moi, l'ancien Satan attend qu'elle me leurre. Pas du tout. Je lui dis comme on dit, je lui dis mes problèmes et je l'aime. Je me peins tout bossu, roué sur la vie blême. Je te aime, je te aime, je te aime. Je te aime depuis que je t'ai vu passer. Je te aime, toi le bel avenir, veux tout de mon passé. Je te aime, mais je suis tout petit. Oh maman, oh madame, je vous aime. Mon âme tonne en moi que vous êtes ma femme. Que vous êtes ma femme. Elle m'aime. France Inter, Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Portal. Notre invité, c'est Emmanuel Dain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct des studios de France Bleu à Nice. Vous êtes à Nice et nous remercions France Bleu pour leur accueil, pour son accueil. Et je rappelle aux auditeurs que vous êtes l'auteur du livre intitulé « L'étrange affaire Portal ». Vous la connaissez comme votre poche, mais comment êtes-vous tombé sur cette affaire ? Écoutez, je suis tombé dessus un peu par hasard. Je me suis rendu dans la maison où j'ai grandi il y a 2-3 ans et j'ai retrouvé la collection de Paris Match de mon père. Donc je me suis précipité sur l'année 75, un peu par hasard, et puis j'ai vu cette couverture étonnante avec ces deux femmes qui se sont avérées être Anna et Marie-Agnès Portal. J'ai lu l'article, qui était en fait l'article de conclusion de l'affaire Portal, puisque c'était en mars 75. Et puis j'ai remonté le fil et j'ai trouvé cette histoire tellement extravagante qu'elle m'a donné envie d'écrire dessus, parce qu'il y a plein de choses passionnantes autour de cette histoire. Absolument. Alors c'est étrange d'ailleurs, parce que quand on en parle aujourd'hui, cette histoire semble lointaine, voire inconnue ou pas très précise. Pourtant, beaucoup d'articles avaient été écrits sur cette histoire au moment des faits et pendant 2 ans. Moi, j'ai une explication à ça. J'ai écrit dans mon livre que la presse a déportalisé la France après l'avoir portalisée. Et je pense que c'est le traitement médiatique de l'affaire, le fait que l'affaire ait été traitée un peu comme une télé-réalité ou un feuilleton, comme peu importe ou une sitcom, vous disiez dans votre reportage, fait qu'effectivement les Portals ont été des personnages jetables du système médiatique. Et après 1975, les médias sont allés vers d'autres choses en déportalisant la France, et notamment cette émission à laquelle vous faites référence a permis de retourner complètement l'opinion publique après cette prise de sympathie pour le drame de cette famille. Finalement, cette émission a permis de dire, y compris à Paris Match à l'époque, bon, finalement, ils étaient peut-être pas si honnêtes que ça, peut-être qu'ils étaient dingues, peut-être que. Et puis voilà, c'était des héros jetables. Je pense que c'est ça qui explique que l'histoire soit tombée dans l'oubli par rapport à d'autres faits divers auxquels on peut penser, qui sont l'affaire de Bruyère-en-Artois ou l'affaire Villemain ou autre. Alors le propre d'un sitcom, c'est aussi de raconter, de mettre en scène des événements quand il n'y a pas d'événement. Voilà. Je vous dis ça parce que ça a duré 2 années, cette sorte de siège là, de Fort Chabrol. Il s'est pas passé des choses tous les jours. Comment les Portals ont-ils vécu pendant ces 2 années? En fait, c'est ce qui s'est passé à la Fumade entre 73 et 75 qui explique qu'il y a eu un traitement du type sitcom. Il se passait pas quelque chose tous les jours, effectivement, mais il se passait quand même, il y avait des rebondissements à intervalles assez réguliers. Il faut savoir que vous avez un cadre qui est assez particulier, cette espèce de château un peu à l'abandon. Il y a un cercueil dedans, bon, c'est déjà un peu insolite. 3 personnes qui vivent autour. Une épouse qui prétend que son mari a été empoisonné par les garnitures, par les couches que lui fournissait la gendarmerie. Donc bon, c'est un peu délirant, mais enfin bon, c'est inattendu. Un jour, on prétend qu'un donateur américain a versé une grosse somme d'argent au portal, et on improvise une conférence de presse sur le perron de la demeure. Bon, je sais pas si vous avez vu les images, moi je les ai vues sur les archives, c'est un truc rocambolesque, quoi. Oui, bon, tout à fait. Il y a un autre personnage qui a fasciné les médias aussi, qui est Bertrand Petersen, qui se faisait appeler, qui s'était autoproclamé empereur et roi des Français. C'était un type de Mulhouse, passablement fou, hein, ça, il y a pas trop de doute là-dessus, qui s'est pris d'intérêt pour la famille Portal et qui a suscité des rebondissements médiatiques assez étonnants. Il y a eu la prise d'otage d'un journaliste du Sud-Ouest par la famille Portal, à l'issue de laquelle ils ont déclaré à la presse que Marie-Agnès Portal était morte. Vous voyez, il y a eu des rebondissements qui étaient suscités par l'extravagance des Portal et qui ont évidemment fait que les médias se sont passionnés par cet endroit où, comme on le disait, des galeries Lafayette, à tout instant, il se passait quelque chose. Alors, Emmanuel Dain, puisque vous parlez des Portal, c'est vrai que c'est une histoire avec ses acteurs, hein, finalement, et en l'occurrence, ce sont les Portal. On va écouter une archive, un extrait d'une conférence de presse de la famille, justement cette famille, qui annonce aux journalistes qu'elle a reçu un don de la part d'un Américain. Mais oui. La famille Portal de Saint-Nofari fait connaître à la presse qu'actuellement, elle a réuni le montant de la dette contre le producteur de la dite créance, c'est-à-dire Monsieur Lamoulinerie, pour le citer. Bon, alors, lecture, attestation. Nous, sous-signés Crédit Commercial de France en 3 avenue des Champs-Élysées, Paris, certifiant avoir reçu de la National Committee 24 Park Avenue à Rutherford, New Jersey, des dollars USA. Alors, il y a 10 000 dollars, et puis il y a deux fois 5 000 dollars, en faveur de Madame Portal, la fumade Saint-Nofar. 11 avril, tournée. Enfin, nous espérons bien nous en sortir. De toute façon, on a tout. L'argent et mais le il reste. Faut dire aussi que lorsque nous avons été avisés par télégramme de dons anonymes en notre faveur, nous avons été remerciés à Lourdes, Notre-Dame de Lourdes. On a fait chemin de croix et on a remercié la Providence de nous avoir protégés devant tout ce drame. Et ils ont reçu beaucoup de dons, les Portal, Emmanuel Dain. Je crois pas mal. Mmh. Et ils avaient une petite manie qui, elle aussi, ne pouvait que susciter l'intérêt des médias, qui décorait ou la maison ou une pièce de la maison avec un drapeau du oui. pays de provenance des dons. À l'issue de la conférence de presse, là, dont on vient écouter l'extrait, c'était celle à laquelle je fais référence, qui est quand même, bon, enfin, je pense qu'une fiction n'aurait pas osé imaginer un truc pareil. Avec le petit drapeau, il y a eu des, il y a eu des photos partout dans la presse ouais. avec le cercueil de Léonce revêtu du drapeau américain. Donc, vous voyez, on passait de Saint-Nofari aux obsèques de Kennedy, vous voyez, visuellement. Donc, donc c'est tout ça qui fait que ça a passionné les médias, évidemment. Reparle-moi de ce monsieur Petersen, là. Vous dites, il était à moitié fou. Bah, personne n'a l'air très net. En plus dans cette histoire. Mais M. Petersen, c'est un bon client, lui, non ? Alors, Petersen, il est fleuriste à Mulhouse. Vraisemblablement, il a été intéressé par l'affaire parce qu'il a vécu une procédure de juridique sur des terres qu'il avait à Dornac, près de Mulhouse. Et c'est un type assez extravagant, donc il se prend pour un empereur et pour empereur et roi. Il roule dans une voiture sur laquelle il a de mémoire EMPMD001, c'est-à-dire qu'il s'est inventé les plaques d'immatriculation de la principauté Mulhouse d'Ornac. Et puis il vient régulièrement à la fumade. Il donne de l'argent. Il y a eu plusieurs dons d'argent, parce qu'il a pas mal d'argent. Il roule en Ferrari. Et bon, tout ça serait un peu fantasque. Il est même passé au petit rapporteur chez Jacques Martin à l'époque, parce que évidemment c'était assez savoureux. Dans sa vitrine à Mulhouse, il indiquait qu'il était coprince de Saint-Nofari. Et donc voilà, tout ça est assez haut en couleur. Là où c'est un petit peu moins drôle, c'est qu'il a offert à Jean-Louis Portal un fusil de marque Drilling, qui est une arme extrêmement dangereuse, parce que c'est une arme qui sert à tuer les rhinocéros en Afrique, et que ça a fait beaucoup pour inquiéter les autorités. Les autorités savaient que cette arme-là était dans la maison, et c'était une arme extrêmement dangereuse. Mmh. Donc, l'intervention de Petersen aurait été assez cocasse s'il n'y avait pas eu ce don qui, à mon avis, fait pencher les choses d'un côté vraiment défavorable. Oui. Alors, parlez-moi de Madame Portal, parce qu'elle aussi, elle est haute en couleur. Hein, parmi les trois personnages, c'est peut-être, la plus haute en couleur. La mère. Écoutez, moi déjà, j'ai une passion pour son accent, c'est-à-dire ses oui. R, dont on ne sait pas trop si c'est le R roulé du Tarn-au-Garonne ou de la Pologne. Je trouve la voix de cette femme extraordinaire. Bon, bah, à titre personnel, ça fait aussi référence à des choses, puisque j'ai des origines polonaises, donc sans doute il y a un petit peu de ça aussi qui m'a intéressé. La ténacité de cette femme, son optimisme, son sourire accroché au visage en toutes circonstances, ne peut qu'inspirer le respect. Les voisins l'ont dit dans certaines interviews, la vraie baronne de Portal, c'est elle. Par sa ténacité, d'ailleurs, dans une des archives, vous avez le témoignage de Jean-Louis Portal qui parle de sa mère ainsi, et c'est vrai que c'était évidemment le personnage fort de la famille, et c'était également le personnage le plus médiatique. Un bon client. Puisque vous parlez de médiatique, est-ce que c'est la télévision qui s'est servie des Portal ou l'inverse ? Bah les deux. Bah oui, c'est souvent la réponse les deux. Qui colle quand on dit ça ou l'inverse. Je pense que pour les Portal, ça a été c'est l'arme des faibles, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas tellement d'autres armes pour se mouvoir, donc ils ont jugé bon de médiatiser l'affaire en se disant que ça les protégeait, ce qui était vrai. Et puis à la fois, ils ont manipulé les médias sans le savoir, et les médias les ont manipulés en les utilisant. Mmh. Voilà, donc c'est une arme qui s'est retournée contre eux, je pense. Alors, parlons de l'assaut, parce que on a quelques sourires, voire un peu un sourire ironique quand on raconte cette histoire. Il y a de quoi, mais c'est aussi, enfin, il y a un autre volet de l'histoire, c'est son volet dramatique à un mort, quand même. Cet assaut, qu'est-ce qu'on peut dire de cet assaut qui paraît comme ça avec le recul, enfin, qui n'apparaît pas comme la meilleure décision à prendre, parce qu'il y a un mort, justement. S'il y a eu pas une mort, on aurait dit, voilà, ça s'est bien passé, bon. Cet assaut qui a fait l'objet de polémiques, d'ailleurs, qu'en pensez-vous? Alors, dans mon livre, je l'ai raconté deux fois. Je l'ai raconté sous l'angle de la famille Portal et sous l'angle des autorités. Je n'ai qu'une seule certitude, c'est que les deux versions sont mensongères. C'est-à-dire que tout le monde a menti dans cette histoire. J'ai récupéré deux témoignages qui me permettent d'affirmer que la version officielle ne tient pas la route une seule seconde, ni en termes d'horaire, ni en termes d'armes utilisées. Ça, c'est tout à fait. Je décris tout ça dans mon livre. Là, il y a entre guillemets un scoop autour de ça parce que clairement, il y a eu mensonge des autorités concernant la violence de l'opération. Ce que j'ai pu recueillir de témoignages indirects de la part du commandant Giganti, lui semble être défavorable à cette opération. Simplement, il l'a menée parce que en bon militaire, on lui a demandé de la mener et qu'il a obéi aux ordres. Mais c'était évidemment la pire des solutions. Alors, je pense qu'il faut voir derrière tout ça l'intervention de quelqu'un qui s'appelle Michel Poniatowski, qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque. Absolument. Voilà, qui était, je vais me permettre un commentaire tout à fait personnel, mais qui était une espèce de Sarkozy de l'époque, c'est-à-dire le spécialiste du coup de menton. Et qui a dit bon allez on y va, ça peut plus durer, etc. Voilà. Et je pense que c'est son intervention qui a été dramatique et qui a été pour le coup à mon avis coupable. Alors puisque je crois que c'est pas le seul coup tordu qu'a fait Poniatowski dans sa carrière. Bon, en tout cas puisque vous venez de dire ça, on va écouter une autre archive. Alors à la lumière de ce que vous venez de dire, ça sera intéressant. C'est l'extrait d'un entretien justement du commandant Giganti, donc que vous avez évoqué, et il s'exprime à la télé en 1984 pour l'émission Trajectoire. Il s'exprime justement sur l'assaut. Je pense que Jean-Louis Portal n'était pas un homme récupérable. De là à dire que il était préférable pour lui qu'il termine sa vie comme ça, bien sûr, je n'irai pas jusque-là. Mais il était tellement imprégné de ce qui lui avait été dit dans sa famille, sur la grandeur de sa famille, sur le rôle de ses ancêtres, sur l'importance des biens qu'il possédait, sur le fait qu'il n'était pas un garçon comme les autres, et de plus, c'est un garçon qui n'aurait jamais renoncé à se venger. Ce soir-là, il avait fait un choix. Je suis persuadé que il était résolu à ne pas s'en aller vivant de cette propriété. Il avait vraiment un attachement extraordinaire pour cette terre. C'est d'ailleurs parce que je sentais cet attachement que j'étais terriblement éprouvé et que je ressentais comme lui la situation dans laquelle il se trouvait. C'est ce qu'on appelle se justifier. Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense qu'il s'arrange à bon compte. J'ai écouté cette archive et elle me met assez mal à l'aise, d'autant plus que pour ce que j'ai pu en récupérer, il était décédé quand j'ai commencé à écrire mon livre, mais je pense que c'était clairement pas ce qu'il pensait. Je pense qu'il y a de l'auto-justification et voilà. Alors, le commandant réfute l'utilisation de grenades lacrymogènes pendant l'assaut. Sur les circonstances exactes de la mort de Jean-Louis, que sait-on et que peut-on savoir et ne pas savoir? Ben, ce qu'on sait, ce que j'ai récupéré comme témoignage vraiment de première main de la part du chirurgien qui a opéré Jean-Louis quelques heures avant qu'il décède, c'est qu'il n'a pas retrouvé de balles, il a retrouvé des éclats de grenades. Ouais. Donc ça dit quand même quelque chose quant à la violence de l'opération. Et puis, comme Jean-Louis lui avait été amené par les autorités, il a gardé ces pièces-là, et ces pièces-là ont disparu de l'endroit où il les avait gardées. Donc vous voyez, tout ça est assez troublant quand même. Tout ça est assez troublant. Alors, sur le plan judiciaire et sur le fond de l'affaire, parce que ça a démarré à cause de ça, est-ce que les Portal ont été spoliés ou pas? Écoutez, question difficile. Spolier, écoutez, moi je pense que la seule chose qui est sûre, c'est que les Portal ont été en tout premier lieu victimes de la justice. C'est-à-dire quand l'appareil judiciaire est incapable pendant à peu près 25 ans de dire le droit et de répondre à une question toute simple, c'est-à-dire est-ce que la propriété vous appartient en plein ou est-ce qu'elle vous appartient à 50%, quand 25 ans et 71 procédures de justice ne permettent pas de répondre à cette question, on peut vraiment considérer qu'on est avant tout victime de la justice. Voilà. Donc pour moi, les Portals sont en tout premier lieu victimes de ça. Qu'après ils aient été victimes de gens qui voulaient faire main basse sur le domaine parce qu'ils étaient intéressés par les terres, c'est une chose. Mais je pense que la toute première chose, c'est la justice qui a totalement dysfonctionné. Donc ça veut dire que pour vous, le combat des Portal était juste? Oh oui, clairement. Clairement. Alors, après, je ne nie pas le fait qu'ils aient pu avoir des torts et sans doute un petit peu de mauvaise foi à la marge, mais bien évidemment que leur combat était juste. Alors maintenant, Marie-Agnès et le soupirail, ça ferait un bon titre de film ou de livre. Cet épisode-là, il est assez formidable quand même, hein, parce que il est très romanesque. Il est romanesque, oui, on croirait une fiction. C'est-à-dire que c'est un tel rebondissement dans cette histoire. Médiatiquement, c'est un rebondissement incroyable. Et pour elle deux, c'est aussi un rebondissement parce que, comme elle l'a déclaré à la presse encore l'année dernière à l'occasion des 40 ans de l'affaire, elles auraient pu rester des années en prison. À partir du moment où elles avaient été déclarées démentes et dangereuses, elles auraient pu... elles pourraient y être encore si on exagère un peu. Donc, c'était vraiment leur seule chance de pouvoir sortir rapidement de l'état d'enfermement dans lequel elles étaient. État d'enfermement, pour ce que j'en ai compris, qui était quand même assez proche de la maltraitance. Vous avez retrouvé Marie-Agnès, hein, je crois, la dernière de cette famille. Qu'est-elle devenue? Vous l'avez vue? Vous avez parlé? Je l'ai rencontrée pour le livre, oui. Je pense que c'est difficile de revivre après de tels événements. C'est dur de poursuivre sa vie. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti. Et je crois que la ténacité dont elle fait preuve dans sa vie n'est pas de trop pour pouvoir surmonter un tel drame, clairement. Quels sont les mots qu'elle a employés devant vous, les sentiments que vous avez perçus de cette histoire des années après? Bah, je crois un énorme gâchis, le gâchis d'avoir consacré trop de la part de ses parents, d'avoir consacré trop de temps et d'énergie à sauver le domaine, le gâchis d'avoir perdu son frère, tout ça est, voilà, tout ça, c'est un immense gâchis, mais je crois qu'elle en est en tout premier lieu victime. Et qu'est devenue la fumade? Alors la fumade est restée 30 ans abandonnée, ce qui... laisse un peu rêveur, parce qu'effectivement, moi, le propriétaire de l'époque que j'ai rencontré pendant l'interview m'a dit, mais s'ils avaient été moins ceci, moins cela, ils auraient pu y rester, ils y seraient peut-être encore, puisqu'effectivement, lui avait racheté des terres, le château, il s'en moquait, d'autant plus qu'il était en très mauvais état. Donc il est resté 30 ans à l'abandon, et puis en 2006, il a été racheté par un notable de Montauban, qui l'a entièrement restauré. J'ai eu la chance d'y aller, c'est un endroit, j'ai visité cet endroit avec beaucoup d'émotion, et il a retrouvé sa noblesse, on va dire, dans les mains d'un autre propriétaire. Et toute dernière chose, est-ce que dans la région, dans, on va dire dans le coin, ça se dit pas dans le coin, mais tout autour, on en parle encore, est-ce que les gens sont marqués par cette affaire, Portal, ou non? Clairement, l'affaire n'est pas tombée dans l'oubli dans la région, et si j'en crois la structure des ventes de mon livre, apparemment il se vend très bien là-bas, donc je pense que l'histoire est encore très présente dans les mémoires. Oui. Excellente réponse. Votre livre, effectivement, je le citais, L'étrange affaire Portal, et le sous-titre, moi j'aime bien les sous-titres, et celui-là est joli, Un fait divers entre deux mondes. Merci Emmanuel Dain, au revoir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Au revoir.